Ah, ça y est, je vous entends. C'est joli, Pascal. C'est joli, ça. C'est à toi, ça. C'est très joli, ça. Oh, c'est dommage, ça coupe. Pourquoi ça coupe quand tu joues? C'est dommage parce que c'est... Putain, ça coupe. C'est dommage. Putain, ça fait chier, ça coupe. Je t'entends pas. C'est un arrangement d'un morceau. C'est toi qui t'arrêtes ou c'est que ça coupe? Un arrangement d'un morceau à toi? De le faire, ce truc là, avec le métronome et tout là. Tiens, j'ai même plus le métronome, moi. Tiens. Je connais pas. Il faut que tu partes sur le 1. Ça dure 64 mesures, ton truc? Sur un 32. J'ai ma pile qui est morte. Putain, merde, ma pile est morte. Ouais, il me faut une pile. Pas une pile, 9 volts. Une pile comme ça, regarde. Oh putain, ça. Ça. Je J'ai ma pile qui m'a lâché. Et ça c'est pas très cool, tu vois. Sur ma tankamine, ça fait un son tout cracra. Je vais demander une pile à ma petite chérie. Moi j'ai cru que c'est toi qui avais écrit le morceau. Alors, Till Morgenman, c'est un copain à toi ? Oui, c'est un mec. Bravo.